J'écoute ta voix, toute vibrante. J'évoque sans fin ce qui me hante. La nuit s'avance, comme un cargo. J'ai le cœur gros, mais j'imagine, imagine. Le sortilège comme belle usine. Dans les roseaux, je me recroqueville. Du bout des doigts, je te dessine. Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, oh oui. Je t'aime tellement, les ouïes béantes.